Et salut, aujourd'hui dans Délite de salive, on va parler d'être une victime. On va parler de ça d'un point de vue féministe, d'un point de vue qui se veut conscient des oppressions systémiques. On va plutôt parler de quand on est victime de sexisme en général, d'agressions sexistes, de violences, de pression sociale concernant l'adhésion aux normes de féminité. J'en parlerai depuis mon point de vue, meuf cis, blanche, issue des classes moyennes, populaires. Mais en parlant pas forcément de ma situation à moi uniquement, ni que de ce qui me concerne directement. On va aborder les effets des violences systémiques et ou ponctuelles. On va aborder aussi le statut de victime, sa revendication, son appropriation, son attribution à d'autres qui n'ont rien demandé. On va parler de ne pas vouloir être une victime à travers des exemples, des lectures, des bouts d'analyse qui ne représentent pas du tout un savoir qu'on pourrait dire complet. C'est plutôt des petits bouts de plein de trucs autour de ce sujet. Alors, être victime, ça veut dire traiter les émotions qui résultent de l'état de victime. Et ça peut être quelque chose d'un peu tendu, compliqué, emmêlé. On peut ressentir de la culpabilité, on peut ressentir des émotions d'hostilité, de la colère, de la tristesse aussi. Tout ça mélangé, ça fait un petit peu du bruit dans la tête, beaucoup de bruit. Alors admettons par exemple le bruit de la culpabilité, ce serait ça. Beau bruit de culpabilité, hein. Et alors, on ajouterait, par exemple, la honte de soi, et ça ferait ça. Un craquement de la honte de soi. Hein. Et puis, on mettrait par-dessus la colère. Là, ça commence à être quand même bien conçu. Hein. Et puis là, il suffirait de rajouter un petit peu de tristesse. Et pof, ça fait des chocs à pic, voilà. Un peu tendu de s'y retrouver, sans compter. Beaucoup d'émotions. Je disais sans compter d'éventuelles douleurs physiques, épuisement, etc. On peut établir une typologie. Différentes façons d'être victime. L'oppression, elle crée un état global de victime, on va dire une multiplicité de trucs impactés de partout dans notre vie, par notre condition, par l'appartenance à une catégorie. Bon. Et il y a aussi le fait d'être victime d'un acte ponctuel. Évidemment, les deux catégories interagissent et on est plus exposé à certains actes d'agression ponctuels quand on fait partie d'une catégorie sociale qui est opprimée au quotidien. La frontière, elle est difficile à établir entre l'ambiance générale et les actes ponctuels. Et peut-être, on peut en faire une. Par exemple, on peut établir une différence en se basant sur le niveau de violence ou le fait que ça soit spécifiquement dirigé vers soi. Mais en gros, il y a, par exemple, des paroles sexistes, donc qui sont de l'ordre du sexisme ordinaire, qui peuvent nous impacter tout en étant très fréquentes, présentes sans nous être adressées, etc. Et puis d'un autre côté, il peut y avoir une agression physique, sexuelle ou verbale dirigée contre soi dans un moment précis. On va écouter une petite lecture d'un bouquin de Jules Falquet. Jules Falquet, Pax Neoliberalia, perspective féministe sur la réorganisation de la violence. On va lire des extraits d'un article issu de la thèse de doctorat de Jules Falquet, qui date de 1997. L'article s'intitule « Guerre de basse intensité contre les femmes ». Il compare la torture et la violence domestique, leurs conditions matérielles d'exercice, leurs effets psychologiques et sociaux, au travers des témoignages de femmes salvadoriennes, d'écrits et d'études en psychologie et en sociologie. Attention, dans cette lecture, on a des extraits de témoignages et des descriptions de scènes très violentes. Tant sur le plan des méthodes que des résultats psychologiques obtenus sur les personnes qui en font l'objet, violences domestiques et tortures ont d'étonnants points communs. l'enfermement dans un espace clos et hors des règles sociales normales, dans un espace de non-droit, est une première méthode commune à la torture et à la violence domestique. Il s'agit souvent dans les deux cas de l'organisation d'un face-à-face dans un lieu d'où les cris sortent rarement, cellule ou intimité privée du foyer, ou, s'ils sont entendus, ne sont pas écoutés. Les témoins disparaissent, se taisent, ou ne peuvent pas intervenir, subissant la même menace. En effet, d'autres personnes détenues, également impuissantes, sont parfois prises à témoin de la torture, comme les enfants qui assistent souvent à la violence domestique en silence. Si dans beaucoup de cas de violence domestique, l'homme se contente de surveiller les allées et venues de la femme et de restreindre ses heures et lieux de sortie, il n'est pas non plus exceptionnel qu'il l'enferme à clé et lui ôte papier et argent, la plaçant dans une véritable situation de réclusion arbitraire. De même que dans la torture, certaines formes de violence domestique incluent à divers degrés le contrôle sur l'utilisation du temps, sur le sommeil et sur l'alimentation, voire la privation relative de ceux-ci. On retrouve ici ce dont parlent notamment les travaux de Colette Guillaumin sur l'appropriation du corps, du temps et de l'attention des femmes par les hommes, y compris dans les rapports de sexage ordinaire dits sans violence, ainsi que les travaux de Nicole Claude Mathieu quand elle évoque les effets de l'épuisement sur la conscience des dominés. Effets psychodynamiques de la violence. Au niveau des effets psychologiques produits sur les personnes qui en font l'objet, torture et violence domestique possèdent également d'étranges ressemblances. Elisabeth Lira et Eugenia Weinstein définissent ainsi ce qu'elles appellent les effets psychodynamiques de la torture. Les expériences de torture déchaînent une conjonction spécifique de conflits et de mécanismes psychologiques que nous appelons psychodynamiques de la torture, du fait de leur force et de leur potentiel transformateur de la vie psychique. Par dynamique psychique, nous entendons des processus qui surgissent de l'internalisation d'un fait externe de la réalité et historico-sociale, qui est assimilé comme un fait interne, se transformant en une réalité subjective et agissant comme telle. En ce qui concerne la violence domestique, on peut penser qu'il se produit également un phénomène d'internalisation. Les coups qui atteignent les corps s'impriment aussi dans l'esprit. Insultes et menaces affectent durablement la vie psychique. Il est intéressant de comparer plus en détail les effets psychodynamiques de la torture analysés par Elisabeth Lira et Eugenia Weinstein à ceux que peut produire la violence domestique. Les auteurs distinguent 8 dynamiques qui se combinent de diverses manières pour affecter durablement les personnes qui ont été torturées. Dynamique de la dissociation, de l'autodestruction, de la dévalorisation de soi-même, de la confusion, des relations interpersonnelles, de la culpabilité, de la torture sexuelle et de la dimension existentielle. Nous les présenterons ici en nous demandant dans quelle mesure elles s'appliquent dans le cas de violences domestiques. La dynamique de l'autodestruction est ainsi décrite par Lira et Weinstein. L'autodestruction peut se manifester par des symptômes psychologiques, manque d'entrain, dévalorisation de soi, sentiment de perte, impuissance sexuelle, incapacité à travailler, des conduites autodestructrices, tentatives de suicide, destruction des relations les plus intimes, renoncement à des aspects partiels du projet de vie ou son abandon pur et simple, ou dans des symptômes psychosomatiques, gastrite, difficultés respiratoires ou cardiovasculaires. On constate chez les femmes victimes de violences domestiques des symptômes très semblables, symptômes qui sont d'ailleurs généralement admis comme étant une réaction probable en cas de viol. Dans un échantillon de jeunes femmes venues dénoncer des agressions sexuelles, le secrétariat national de la famille salvadorien, pourtant conservateur, observe que ces agressions causent une catastrophe émotionnelle qui a des implications durables et des répercussions d'importance inconnues sur la vie personnelle et sexuelle future. Selon ces mesures, 53% des victimes éprouvent une sous-valorisation d'elles-mêmes, c'est-à-dire un bas niveau d'auto-estime, 28% du désintérêt pour les activités quotidiennes et pour entreprendre de nouvelles activités, 50% de l'agressivité, 33% de l'anxiété, 22% de la dépression, 39% ressentent des opinions négatives envers le sexe masculin, 39% font des cauchemars, 33% souffrent de maux de tête, 28% de perte d'appétit. À propos de la torture, poursuivent Lira et Weinstein, dans cette dynamique de la destruction, les sentiments de perte ou de dépouillement, d'impuissance ou de passivité absolue, ainsi que ceux du caractère agressif qui ne rencontre pas de possibilité de décharge appropriée et qui doivent être absorbés par la personne elle-même sont essentiels. Ces trois types de sentiments s'enchaînent et rendent possible une spirale autodestructrice. Lyra et Weinstein développent à propos des effets de la torture un concept clé pour comprendre la violence domestique liée à la spirale d'autodestruction, l'impuissance consciente. L'impuissance forcée, la passivité associée au fait de supporter et au silence, s'érige en un paradoxe de forme de protection, qui nous ramène au caractère perverti de la relation humaine dans la torture. D'une certaine manière, au milieu de l'impuissance généralisée de la situation se développe une impuissance consciente. Ce témoignage d'une salvadorienne, recueilli par Mercedes Cañas, éclaire bien cet aspect. « Bon, je me rapetisse quand mon mari me dispute, quand il me chicane, qu'il me dit des choses idiotes. Moi, je préfère rester silencieuse. Je sais pas, je suis pas née pour être en train d'argumenter. C'est facile de me rabattre le caquet. Moi, en général, je vois qu'ils nous font chier, ils nous font du chantage avec plein de choses. Et nous nous laissons faire, quoi. » Même s'il s'agit d'une sorte de protection, le fait d'apprendre à supporter et à s'accommoder de l'impuissance peut donc bel et bien être considéré comme un effet secondaire de la torture. Pour ce qui concerne la violence domestique, l'apparente passivité des femmes, si souvent décriée ou analysée comme une preuve de leur consentement et de leur goût masochiste soi-disant naturel pour les coups, pourrait être analysée comme une forme de défense qui, à la longue, se transforme en impasse. Cette impasse est d'autant plus dommageable qu'elle peut être vécue dans la culpabilité, qu'elle perdure dans le temps et qu'elle tente à se perpétuer à travers les générations. Combien de mères tentent d'enseigner à leurs filles à supporter en silence ? Dans cette perspective, la passivité avec laquelle certaines femmes vivent la violence domestique ne correspond pas à une tendance psychologique innée, mais bel et bien à un conditionnement psychodynamique concret. Effet collectif de la violence contre les femmes et de la torture. Loin de n'affecter que les personnes qui y sont directement soumises, la torture exerce des effets sur le corps social tout entier. C'est ce qu'expliquent les chercheuses Lyra et Weinstein. L'emploi de la torture comme méthode de coercition habituelle affecte non seulement ses victimes directes, mais aussi leurs familles, les groupes auxquels elles appartiennent, ainsi que l'ensemble de la société, y compris les tortionnaires. C'est une forme de coercition sociale et politique très efficace car la peur d'être arrêtée et torturée produit des conduites massives d'autocensure, d'isolement, de passivité et de résignation. Ainsi, la torture est utilisée comme un instrument de pouvoir. La menace et ou l'utilisation de la souffrance sont régies par une méthode de contrôle idéologique. La violence domestique et la violence contre les femmes en général, parce qu'elles affectent elles aussi bien plus que les personnes directement concernées, permettent une relative économie de moyens. Il n'est pas nécessaire de violer ou de battre toutes les femmes tous les jours. Quelques cas particulièrement horribles présentés avec éclat par la presse à scandale ou rapportés par les voisines suffisent pour que chacune s'inquiète et redoute d'enfreindre les normes censées les protéger de pareils sorts. L'indignation et la résistance existent. Mais l'autocensure, l'isolement, la passivité et la résignation semblent bien être les principaux effets obtenus. Doblès Oropesa va plus loin en ajoutant que le but de la torture et de la coercition politique est de décourager l'action politique individuelle et collective. Quant au contexte qui rend possible la torture, dans son sens le plus large, il s'agit d'actions qui visent à instaurer la terreur dans la population et la peur de l'action politique sociale. Loin de démontrer la force politique d'un régime, elle est la preuve d'une grande faiblesse. Comme l'a signalé Pez, avec ce type d'action, l'objectif est, selon les cas, d'amener les individus ou la collectivité à la négation et à la déformation de la réalité, à l'isolement par rapport à l'univers valoratif de la pratique quotidienne, à l'idéalisation et à la fixation dans le passé ou au désinvestissement du passé. Comme Lyra et Weinstein, Oropesa replace la torture dans le contexte général de ce qu'on appelle parfois la guerre psychologique. En touchant la subjectivité individuelle, on amène la société tout entière à des transformations si profondes qu'elles vont de la passivité massive à une déformation de la perception de la réalité. L'action sur le psychisme, sur les croyances et les loyautés personnelles, sur les liens affectifs et sur la famille, en un mot sur la vie des individus, se répercute sur le plan collectif, avec des buts éminemment politiques. À ce stade, nous sommes donc amenés à approfondir la réflexion sur la manière dont la violence contre les femmes, de même que la torture, lie étroitement des phénomènes apparemment privés et des fonctionnements sociaux collectifs et publics. Dernier extrait dans la conclusion de l'article. On a vu que la violence domestique exercée contre les femmes et la torture dite politique possédaient de nombreux points communs. Non seulement une partie des méthodes sont comparables, mais surtout, les effets psychodynamiques obtenus individuellement sur les personnes qui en font l'objet sont étonnamment proches. En particulier, l'impuissance apprise. Autrement dit, le fait de ne plus pouvoir, vouloir, savoir, répondre aux actes violents. Cela constitue l'un des effets marquants du fait d'être en butte à une violence dont on sait qu'elle ne sera pas sanctionnée socialement. En d'autres termes, faire l'objet de violences rend vulnérable. Et c'est visiblement l'un des buts recherchés par les auteurs individuels et collectifs de violences, de même que par les institutions, étatiques notamment, qui l'autorisent en fermant les yeux, ou la légitiment en créant un cadre légal favorable à son exercice. Voilà. C'était donc des lectures d'un article de Jules Falquet qui compare les fonctionnements de la torture et de la violence domestique contre les meufs. Et maintenant, on va aborder un autre aspect de ce que c'est que d'être une victime, qui est plutôt le refus de se percevoir et de reconnaître un statut de victime. Ça se rencontre fréquemment, ce refus du statut de victime chez les meufs, en tout cas. Il y a un discours de « moi, je vis pas de sexisme ». Et puis, il suffit d'être forte et de se défendre et d'avoir du caractère. Ou alors, il y a un autre discours qui dit plutôt « ouais, moi, je suis pas comme les autres meufs, je suis plutôt comme un gars, comme un bon pote, alors du coup, je vis pas de sexisme ». Et souvent, c'est empreint de jugement par rapport aux meufs qui, elles, ramassent, et soi-disant plus que soi. Et si, bon, si on est soi-même forte... Hein... Ah, je... Pardon, j'ai loupé une ligne. Donc, c'est par rapport... Ça juge les meufs qui ramassent. Elles, soi-disant, qu'elles sont... Soi-disant que soit on est plus forte, soi-disant que c'est parce qu'elles sont pas affirmées ou autres qu'elles ramassent plus. Et c'est pas forcément formulé. Mais bon, en fait, la logique, c'est que si soi-même, on est forte... et que c'est ça qui empêche d'être victime, eh ben, ça sous-entend bien que les autres, elles sont victimes parce qu'elles ne sont pas assez fortes. Mais raisonner comme ça, ben, en fait, c'est violent même pour soi-même. C'est faire reposer sur ses propres épaules le poids de bien vivre dans une société sexiste, de ne pas être touché par les paroles, les violences, les agressions. C'est se rendre responsable d'un éventuel mal-être s'il se présente, en fait. Mais c'est une stratégie et c'est peut-être reconnaissable en tant que stratégie. Nier l'existence de l'oppression et nier son impact sur soi. Je sais pas si c'est efficace, mais pourquoi pas ? Ça se comprend. On n'a pas envie de se percevoir comme une victime. De penser à l'impact négatif sur notre vie, franchement, c'est hyper déprimant. Et peut-être ça économise de l'énergie et du bien-être de juste se dire « Non, non, non, bah moi je suis forte et puis c'est les autres meufs qui vivent ça, hein, je dis pas qu'elles vivent pas ça, mais en tout cas, moi ça me concerne pas. » Après, le déni, c'est pas hyper reconnu en général comme un moyen intéressant sur le long terme. La misogynie internalisée, donc ce qui veut dire être misogyne en étant soi-même une meuf, cette misogynie internalisée, elle ne fait que servir le patriarcat, le système sexe-genre, tout ça. Elle entretient une idée de hiérarchie entre les meufs, une valorisation de trucs connotés masculins chez elles, comme l'insensibilité, l'agressivité. Et bon, nier l'existence du sexisme dans sa propre vie, peut-être c'est pas idéal, mais en tenir compte, ben c'est chiant aussi. Dans les principes qui sous-tendent pas mal ce qu'on appelle le développement personnel, on retrouve un rejet du statut de victime aussi. Il est plus ou moins lisible. Hein. Dans un petit truc secondaire dans nos sociétés occidentales qu'on appelle le néolibéralisme, on sent un petit peu les mêmes principes. Coïncidence ? Je ne crois pas. On aurait le pouvoir en soi de ne pas être victime, de changer, de se contrôler soi pour ne plus attirer les problèmes. On retrouve souvent une surresponsabilisation de la personne par rapport à ce qui lui arrive et une exagération du pouvoir qu'elle peut avoir sur les événements de son existence. Avec deux principes de base qui seraient 1. On attire ce qui nous arrive par notre attitude et nos actes. 2. On peut s'améliorer soi pour améliorer sa vie. Et franchement, ça fait envie hein, de se sentir en capacité de changer, de lutter contre la sensation d'impuissance là. Mais le gros bémol, c'est l'individualisme qui nous présente comme isolé dans nos expériences et isolé aussi dans nos capacités de lutte, qui laisse imaginer qu'il faut s'en sortir seul. L'idée d'optimisation de soi en mode de « je suis un produit », c'est peut-être un peu gênant aussi. Et puis, tout ça, ça minimise, voire ça nie l'impact des oppressions sur nos trajectoires de vie. Puis ça donne des espèces de hippies, pour donner un exemple, qui te disent que un viol, si c'est arrivé, c'est parce que la personne dégage des énergies négatives. Ou alors, ça donne aussi des personnes qui pensent se soigner par la pensée positive et qui meurent d'un cancer qui aurait pu être soigné, voilà, par exemple. Donc, c'est un petit peu grave. On peut voir là-dessus les podcasts de Méta de Choc, même si, des fois, elle est à côté de la plaque et on dirait que le pouvoir symbolique des trucs dans son monde, ça n'existe pas, hein, Méta de Choc, mais elle reste très intéressante sur déjà les personnes qu'elle interviewe et sur tous les trucs de Perchos en général, je trouve. Il y a un état bizarre, un malaise qui est présent avant de comprendre les effets du sexisme sur sa propre vie ou avant de comprendre ce qu'on a vécu et que ce qu'on a vécu, c'était une agression. On a des réflexes de pas envie de se percevoir comme victime. Et puis, il y a quelque chose comme la flemme de s'en occuper aussi. Parce que ça prend tellement de place, de temps, d'énergie. Et ce que ça veut dire sur sa propre valeur et puis le peu de prix que d'autres attachent à nous. Parce que c'est ça, d'objectifier, d'être objectifié, d'être agressé. L'agresseureuse se fiche complètement des limites de l'autre hein, et peut l'écraser. Et on peut écraser mollement. Sans y penser trop, on peut faire ça en pensant uniquement à soi, sans volonté de faire mal. Juste en n'ayant pas de volonté particulière de tenir compte de l'autre. Mais ça change rien dans tous les cas. Le résultat, c'est une agression. Le point de vue de l'agresseureuse, il prend de la place. Dans la loi, on lui retrouve une place en quelque sorte prioritaire. Parce que le point de vue de l'agresseur est bien souvent du côté des dominants. Et on va écouter un extrait d'un bouquin de Dorothée Ducy. L'extrait qui va suivre, il parle d'inceste, il mentionne des incestes, et il contient une citation d'un auteur d'inceste, ainsi qu'un témoignage de plusieurs lignes d'un autre auteur d'inceste. Donc c'est pertinent pour le raisonnement qui est suivi ici, mais voilà, peut-être ça fait beaucoup. Et peut-être les personnes qui n'ont pas envie d'entendre ça, vous pouvez vous éloigner pendant 6 minutes 56. Dorothée Ducy, Le berceau des dominations, Anthropologie de l'inceste. Donc ce bouquin, c'est une étude anthropologique réalisée par l'autrice Dorothée Ducy, l'anthropologue, où elle est allée interviewer des auteurs d'inceste en prison. Voilà. Là, je vais lire un premier extrait. Qui parle de la vision de la justice par rapport aux infractions, aux crimes sexuels. Et ensuite, un deuxième extrait qui va un petit peu étudier les valeurs de ces actes dans la société et face à la justice. Et qui va montrer une minimisation du vécu des victimes. Qui va être recherché. L'échelle de gravité des infractions sexuelles est calée sur une conception masculine du crescendo sexuel. Le droit, rédigé pour une large part par des hommes, est au diapason des incesteurs. Ainsi, ce père de famille avec qui je m'entretenais en prison et qui m'expliquait. Oui, pour moi, c'était un attouchement. Je savais ce que je risquais, mais pour un attouchement. D'ailleurs, je ne sais pas, mais je crois que même si à l'époque j'avais su que la fellation est un viol, je crois que j'aurais su dire le haut là, je crois. Bon, mais je sais pas. Je sais très bien que je ne voulais pas les violer, ça c'est sûr. Ça faisait une différence. En s'interdisant de pénétrer le vagin de leur fillette et en lui préférant la bouche, ce père, comme la plupart des incesteurs condamnés pour viol par fellation, cale son idée du préjudice et de la gravité de son geste sur sa propre échelle du plaisir sexuel. Comme le juge Alphen qui soutenait à une collègue ethnologue à propos d'un adolescent accusé de viol et qu'il s'apprêtait à laisser en liberté, qu'on ne va pas en prison pour une fellation. Le droit l'entend de la même façon et récompense la retenue des hommes puisqu'ils ne considèrent pas les attouchements comme des viols. Si les gestes sexuels sans pénétration sont passibles d'une sanction moindre parce qu'ils sont considérés comme moins graves, par exemple une fellation faite à un enfant est un attouchement, alors qu'une fellation demandée à l'enfant est un viol, c'est en référence au moindre plaisir qu'il procure aux hommes. C'est ainsi qu'au terme des procès, dans la réalité des prétoires, les fellations sont moins sanctionnées que les pénétrations vaginales, et les actes de pénétration anale sont les plus lourdement condamnés. Dans le même esprit, la sanction imposée par la cour est plus importante quand la victime est un garçon, parce que le viol paraît plus dommageable pour un garçon que pour une fillette. Cette conception du droit et de ce qu'il conçoit comme juste ne va pas de soi. En prenant en compte le point de vue des victimes, on s'aperçoit que l'étendue du préjudice ne dépend pas forcément du type de geste porté, ou de leur violence, ou de leur durée. Les considérations entourant la rupture éventuelle de l'hymen, incontournable lorsque la victime est une petite fille, s'inscrivent dans la même logique masculiniste. On se rappelle ce beau-père qui avait bien fait attention à ne pas déflorer ses belles filles et qui s'était attiré la clémence de la cour pour ce signe de contention et pour avoir protégé l'hymen des fillettes. Dans le cas d'agression de fillettes, la pénétration digitale et ou pénienne n'est avérée qu'après de longs débats extrêmement crus qui ne sont pas sans rappeler les pratiques iniques des tests médicaux requis par les cours de justice indiennes. Deuxième extrait. La doxa, dans le système judiciaire français, suit le cap d'une conception masculiniste des rapports sociaux, c'est-à-dire partiale, en tout cas partielle, qui déduit de l'expérience des hommes des vérités censées être universelles. Dans ce schéma, l'expérience sociale des femmes et des enfants est moins constitutive de l'organisation sociale et de la qualification des infractions que celle des hommes. Elle vient simplement renseigner ce qui arrive aux hommes. Rappelons que la terminologie profane afférente aux violences domestiques et ou sexuelles tend généralement à nier les dimensions genrées et violentes des actes commis. Cette désaggravation s'opère à travers des métaphores systématiques, où le viol conjugal devient devoir conjugal, le meurtre entre époux se transforme en crime passionnel, sans évoquer les crimes d'honneur, les tournantes et autres périphrases de la violence sexuelle ou domestique. Ce glossaire populaire a depuis longtemps fait son entrée en cour via les plaidoiries des avocats, le vocabulaire des justiciables et des magistrats, ces derniers calant leur niveau de langue sur celui des personnes qu'ils interrogent. Ainsi, en ville et devant la cour, les gens, dont les avocats de la défense et les accusés, disent « simples attouchements, baisers, caresses » à la place d'agressions sexuelles pour désigner les gestes extorqués et imposés aux enfants. La confusion des registres de la tendresse et de l'agression jette ainsi le trouble sur des situations qui, une fois gommée la spécificité du non-consentement d'un des protagonistes, ressemblent à une relation sexuelle normale, voire à une histoire d'amour. D'ailleurs, au cours d'un procès d'assises, le mot « viol » n'est prononcé qu'à la lecture des chefs d'accusation, par la plaignante et par son avocat. Sinon, il lui est presque systématiquement substitué l'expression de « rapport sexuel » par la défense et la cour. Les droits et les magistrats, et avec eux la sociologie traditionnelle qui les étudie et le courant critique et pragmatique des sciences sociales, sous-évaluent dans leurs descriptions, leurs analyses et le recueil de la parole, la dimension perverse, au sens commun du terme, égoïste et manipulatoire des discours et des pratiques. Bien qu'il soit toujours difficile de faire la part entre le mensonge, la mauvaise foi et la bonne foi très mal renseignée, il ne faut pas perdre de vue que les parents incesteurs et les pédophiles mentent, le mensonge étant un avatar de l'inceste et de la pédophilie. Je sais que les jeunes êtres avec qui j'ai eu une relation plus suivie en sont sortis plus heureux, plus libres, plus réalisés, écrit Gabriel Matzneff. On souhaiterait avoir l'avis des intéressés, mais on ne les a jamais entendus. Comme on l'a entendu dans la deuxième partie de l'extrait du bouquin de Dorothée Ducy, là, les normes sociales, les rapports de pouvoir présents dans la société favorisent la minimisation du mal-être des victimes et la minimisation des actes qu'elles ont vécus. On va prendre un exemple quand même plus léger, un exemple d'une stratégie de minimisation de l'impact sur les victimes, d'un discours de minimisation de l'impact des trucs sur les victimes. C'est un exemple qui est pioché dans The Alt-Right Playbook, c'est un ensemble de vidéos qu'on trouve sur YouTube qui parle de l'extrême droite, les fachos, mais dans un contexte états-unien, mais bon, enfin voilà, il y a des choses qui sont applicables en France. Et donc, dans les stratégies de minimisation, il y a un truc que la personne de la chaîne appelle Didoing. Alors, c'est en référence à la chanson de Dido. Je sais pas quel âge vous avez aussi, mais il y avait une chanson qu'on n'a pas pu rater quand on était ado au début des années 2000. Et donc, c'est Dido, et dans la chanson, elle fait It's not so bad. Voilà. Donc, It's not so bad, voilà, ça veut dire c'est pas si grave. Et par exemple, donc dans la vidéo sur Didoing, ils prennent l'exemple du trigger warning ou du fait de mettre un trigger warning. Et en fait, le débat glisse parce que le propos dans le débat, c'est pas de déterminer qui est le plus ennuyé par le fait qu'il y ait ou non un trigger warning. Ça glisse sur, en fait, c'est pas si grave. Voilà. Donc du point de vue des personnes qui s'en foutent du trigger warning, c'est pas si grave. Parce que ce n'est pas une question de vie ou de mort. Faites ce que vous voulez, mais ne vous exposez pas, sinon ça aura des conséquences, et c'est normal que ça ait des conséquences, la vie c'est dur, c'est pas si grave ce qui vous arrive en raison de votre catégorie sociale, identité, etc. Il est normal que les choses soient injustes, il est normal que des personnes aient du pouvoir sur vous, et de l'accepter, surtout. Donc il y a une minimisation, une logique de la domination, et une logique aussi individualiste. En gros, le discours des personnes qui pratiquent cette minimisation spécifique, c'est pourquoi, le fond du discours, c'est pourquoi subir la moindre contrainte pour préserver des personnes différentes et hors des normes ? La moindre contrainte, hein. Y a un rapprochement avec aussi la croyance en un monde juste. Ça, c'est un truc de psychologie sociale, la croyance en un monde juste. On peut regarder une conférence de Shaika, de la chaîne Hacking Social, qui parle de cette croyance. Et c'est que les personnes pensent que les choses négatives qui arrivent aux autres sont méritées quelque part et qu'ils en sont responsables. C'est pas forcément une pensée hyper consciente, hein, mais c'est que donc, quelque part, si on subit des discriminations, si on a des problèmes de santé mentale, c'est notre responsabilité. On n'a pas su être assez forte, hein, faire des efforts pour s'en sortir. Et pour revenir au trigger warning, par exemple, pour un film, si on risque de faire une crise d'angoisse en regardant un film, en fait, c'est qu'on est faible, et ce n'est pas aux autres, aux personnes qui ne sont pas concernées, de subir des contraintes, même les plus petites, minimes contraintes, pour respecter notre bien-être. C'est une logique qui se marie d'ailleurs très bien avec les croyances fondamentales, hyper présentes, du développement personnel, on y revient, comme quoi la volonté, machin, la surresponsabilisation, enfin bref, on revient sur une négation du caractère systémique des inégalités, un déni du déterminisme, et puis aussi, on sort du domaine strict des oppressions systémiques avec une logique d'individualisme qui veut qu'on ne considère pas les trajectoires et les difficultés des autres. Voilà, c'est super. Après, il y a encore un autre aspect à voir sur le statut de victime, c'est que il y a des discours qui vont désigner des personnes comme victimes alors qu'elles n'ont rien demandé. Un exemple actuel, eh ben, par exemple, pour servir leur discours, eh ben, les FAF et les TERF, qui sont pareils, par exemple, ils sont soudain très très inquiets pour d'hypothétiques enfants qui seraient mis en danger par la soi-disant facilité à transitionner et à accéder, entre autres, à des bloqueurs de puberté. Donc ces enfants qui sont pas du tout interrogés et qui sont pas très précis, hein, il faut dire, ils sont instrumentalisés pour servir un discours qui, en fait, n'a rien à faire dès le. Si les personnes qui les instrumentalisaient en avaient vraiment quelque chose à faire, des enfants trans et des ados trans, elles se seraient renseignées sur la réalité des transitions, sur leur nécessité pour préserver les jeunes, leur santé mentale et, tout simplement, leur vie. Sur le sujet, il y a eu un plateau de Mediapart qui est trouvable gratos sur YouTube. Et il y a un collectif de personnes trans qui s'est monté récemment à Saint-Étienne qui s'appelle Le Cats, et il y aura probablement une manifestation très prochainement, mais je n'ai pas d'infos pour l'instant. Mais bon, l'extrême droite, elle adore utiliser les enfants comme soi-disant victimes. Et c'était déjà le même délire hein, à la période de Manif pour tous et compagnie. Elle aime les désigner et les désigner comme victimes. Ça voudrait amener une impossibilité à penser, voilà, à désigner spécifiquement des enfants comme victimes. C'est impossible de contrer ce propos parce que, en fait, ce qui fait du mal aux enfants, c'est fondamentalement mauvais. C'est inentendable, c'est inacceptable. Comment osez-vous ? C'est pour les enfants. Et ça fait un truc de alerte rouge, arrêt de la réflexion, arrêt du cerveau. Les enfants et leur bien-être sont convoqués dans le débat. Mais en fait, c'est juste une technique pour servir une pensée complètement moraliste, hein. Une idéologie basée uniquement sur de la transphobie. Et la transphobie se déguise en souci pour les personnes trans. Alex Mahoudo, la panique woke. Spécialiste d'analyse de discours, Russ Podak montre la manière dont les discours réactionnaires contemporains s'appuient ainsi sur un rapport très ambivalent à la victimisation, consistant à procéder à un renversement de la position victime-offenseur tout en assumant une position de rupture des tabous. Dans ce sens, la personne perpétuant un cliché ou une représentation stéréotypée n'est pas en position d'offenseur, tout en tirant les bénéfices d'être perçue comme disant « des vérités qui dérangent ». Mais elle est en position de victime de celle qui se rebiffe contre ce qu'elle dit. Ce ne sont, dans la bouche des politiciens analysés par Odak, pas les partis d'extrême droite dont le discours contient des sous-entendus xénophobes et racistes qui sont à blâmer, mais les sensibilités exacerbées des antiracistes qui voient le mal partout. Au contraire, inviter des politiciens aux idées taboues ou provocatrices est un signe d'ouverture du débat public. On retrouve cette forme de raisonnement dans la façon dont les lamentations conservatrices aux États-Unis sur les effets pervers de l'action affirmative sur les campus ont ironiquement conduit certains conservateurs à demander non seulement sa réduction, mais la mise en place de politiques d'action affirmative à leur propre avantage, sous le prétexte de l'impératif de diversité idéologique. Selon ce raisonnement, ce n'est pas le manque de diversité sociologique, par exemple la représentation des femmes, des personnes racisées, des minorités sexuelles, des classes populaires, qui serait indicatif d'un problème de fond, mais celui de personnes de droite. Donc cet extrait du bouquin d'Alex Mahoudo, il parle entre autres de la victimisation de personnes qui sont pas du tout victimes. Il y a certains discours réactionnaires qui impliquent d'une part que les évolutions sociales créent des victimes, des nouvelles victimes, et d'autre part que ces vraies victimes sont les anciens dominants, les anciennes catégories dominantes. Par exemple, pour les mascus, ce qu'on peut voir, c'est que leur rhétorique elle repose sur deux idées principales, comme on peut le lire dans l'intro de la brochure le coming out masculiniste de PMO. PMO, c'est un groupe anti-tech de faf mascu-craignos de Grenoble. Donc, les deux idées principales de la rhétorique des mascus, c'est le féminisme est allé trop loin, et la société s'est féminisée, les femmes ont pris le pouvoir. Et l'autre principe de base, c'est la masculinité est en crise et les vrais hommes sont devenus des perdants. Symboliquement castrés, ils ont perdu leur repère identitaire et leur place dans la société. Donc parfois, certaines personnes privilégiées à certains égards ont été convaincues par certains arguments appuyés par de la rhétorique de victimisation et elles les répètent sans y penser parce que c'est bien pratique de pas se remettre en question et de pas se dire qu'on pourrait changer pour éviter d'écrabouiller tout le monde. Mais parfois, le fait de croire à cette rhétorique victimaire, ça peut être soutenu par leur vécu et leurs émotions. Ce qui n'empêche pas qu'ils pourraient se remettre en question, mais bref. Mais du coup, les types dont les ressentis de déclassement social peuvent être utilisés pour les faire basculer côté mascu, quoi. Et là, la manipulation, elle consiste à attribuer les causes du déclassement aux meufs et à l'éventuel progrès de la condition sociale des meufs. Et ça consiste quelque part à confondre corrélation et causalité, gna gna gna. Et on a aussi, alors ça c'est un phénomène un petit peu différent, mais on a aussi les FAF qui vont justifier leur violence par une soi-disant nécessité d'autodéfense face à diverses menaces fictives. Le discours victimaire, il peut chercher à légitimer la violence en semant la confusion et en affirmant l'existence d'un rapport de force qui serait inversé. Se défendre, une philosophie de la violence, c'est un bouquin de Elsa Dorlin, qui mène des réflexions sur ce que ça fait d'être victime d'oppression systémique, et sur les modes d'autodéfense qui peuvent être mis en place. Et voilà, plein de réflexions philosophiques tout autour de ça. Dans les extraits suivants, ça parle des campagnes qui parlent des violences dans le couple et de ce à quoi elles renvoient. Et dans un autre extrait, le bouquin parle de ce que ça fait ressentir d'être une proie. Et de tout ce que ça fait mettre en place mentalement. Elsa Dorlin, se défendre. La représentation des violences, ou plutôt de leurs effets, sang, ecchymose, mimique de souffrance, pleurs, cris, participe au champ des représentations communes, attendues du corps genré, en l'occurrence d'une norme dominante de féminité vulnérable, à l'univers de sens partagé tel qu'il est encodé justement par la sémiologie du genre. Ces photographies, nous pouvons les qualifier, avec Barthes, d'unaires. Elles redoublent le sens commun, elles sont lisses, banales, et autorisent le spectateur à passer devant sans les regarder ou à les feuilleter sans être saisi par leur brutalité mortifère. Qu'est-ce qu'on chasse de notre esprit ici ? L'impuissance obscène de ces corps victimes que les clichés mettent en scène? Ou au contraire, tout ce que ces corps, ces femmes, sont, font par ailleurs? Les photographies unaires représentent des femmes prostrées, ensanglantées, battues, des corps morts, échappant à toute réflexion. En même temps, elles représentent des femmes qui répondent et incarnent toutes les normes esthétiques de féminité dominante. Elles sont pour la plupart jeunes, blanches, minces. Il n'y a effectivement pas d'éléments qui nous rappellent à la complexité du réel, à la chair de la vie. Le cliché réifie une norme de féminité hégémonique qu'il met en scène en l'associant à un récit de la violence. Ces photos de femmes violentées occupent alors de fait tout l'espace, quel que soit le point de vue sur lequel le regard se pose. Il le colonise. La photographie est violente, non parce qu'elle montre des violences, mais parce qu'à chaque fois, elle emplit de force la vue et qu'en elle, rien ne peut se refuser ni se transformer, écrit Barthes. Et c'est précisément cette occupation forcée qui met en abîme la dimension violente de ces clichés. En outre, en effaçant l'instant de surprise, l'inattendu, l'inédit, la perspective est rendue omnipotente. En prenant le parti de ne représenter que des objets victimes de violence, le sujet photographiant impose son point de vue sur le réel et par la même occasion un certain plaisir à montrer le spectacle de corps blessés, dominés, voire morts, qu'il met lui-même en scène. Cette tendance à la scopophilie pose à nouveau les frais de la problématique d'une érotique de la domination. Ainsi, le processus qui consiste à offrir de force au regard d'autrui une seule et unique perspective simpliste, à susciter chez le spectateur libre de regarder sans être lui-même vu, le même pouvoir jouissif ressenti par celui qui fige des corps qui portent charnellement les stigmates de la violence, relève d'une forme évidente de voyeurisme sadique. Les femmes photographiées, ces sujets vivants, ces existences vécues, complexes, sont non seulement réduites à des socius, qui sont des sujets de société objectivés par les chiffres de la violence domestique, comme par les normes sociales dominantes. Elles sont réduites à des objets inertes, morts, sujets figés pour l'éternité par l'objectif de la photographie qui atteste de façon autoritaire de ce qui a été, imposant d'une certaine façon à toutes les femmes un destin funeste, projetant de fait sur toutes les femmes la menace d'une violence inéluctable de ce qui a été, arrivera. Et devant leur souffrance obscène, que l'on peut à loisir contempler même du coin de l'œil, ces corps deviennent aussi les objets d'une fascination fétichiste. L'érotisation de ces femmes sans défense, de ces purs objets, prend tout l'espace de la représentation des violences de genre, ne laissant plus de place à d'autres représentations, d'autres images et fantasmes, et donc d'autres récits. Ces photos contraignent la vue dans l'indifférence de la pensée. Elles l'épuisent et prennent de force notre imaginaire en le gavant d'impuissance jouissive. Qui prend plaisir devant la souffrance d'autrui? Qui prend plaisir au spectacle de l'impuissance? En l'occurrence, pour celles, ceux enjointes d'incarner cette impuissance, pour ces existences à même de s'identifier à cette objectivation brutale de soi, il est très certain que la représentation de soi-même comme un être battu suscite un quelconque plaisir. Il est plus probable qu'elle entraîne une myriade de sentiments et d'affects tels que le dégoût, la honte, le rejet, l'empathie, le refus, le sentiment d'injustice, la haine, le déni. Comment, dans ces conditions, ces campagnes peuvent-elles remplir l'objectif qu'elles affichent, aider, protéger les victimes de violences? Et donc, à qui s'adressent-elles? Ce qui saute aux yeux, lorsque ces photographies apparaissent, ce sont, au-delà des corps violentés, plus précisément les effets, les conséquences d'actes violents sur ces corps. Ce qui hante dans ces photos, ce sont les traces, les signes d'une puissance d'agir capable d'imprimer sa marque sur le corps d'autrui. C'est cette capacité de violence extrême. Les campagnes publiques sont un tribut offert aux agresseurs. Ce qui fascine alors, ce qui fait peur, ce qui excite ou ce qui procure du plaisir, c'est bien de voir ce que cela fait d'être puissant, ce que cela fait d'être capable de battre, de frapper, de blesser, quand d'autres ne seront capables que de pleurer, de hurler ou de mourir. La pulsion scopique renvoie ainsi à une dimension narcissique. De fait, la jouissance concerne celui qui regarde sa propre puissance d'agir. Celui qui, au détour d'un couloir de métro, d'un panneau d'affichage, se voit lui-même, voit ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire. Nous ne sommes donc pas mises devant la souffrance d'un objet, mais devant la puissance d'un sujet. Ces campagnes sont tragiques, parce qu'au fond, elles ne traitent que d'une surpuissance prêtée aux hommes. Une puissance que l'on présente comme celle des corps masculins, rarement montrée, rarement mis en scène, excepté dans la mise en scène de l'efficacité, de la brutalité, de la licéité de leurs coups. L'érotisation de la souffrance des corps relève d'une jouissance de soi, d'une esthétisation grisante des actes des auteurs de violence. En d'autres termes, ce que ces campagnes exhibent et ce à qui elles s'adressent, c'est la violence jouissive des agents de violence. L'histoire de Bella, c'est aussi l'histoire d'un voisin, un homme lambda habitant l'immeuble d'en face qui a décidé un jour de la violenter. Pourquoi? Parce que Bella paraît si pathétique, si fragile, déjà si victime. Et si nous sommes toutes un peu Bella, c'est aussi parce que comme Bella, nous avons d'abord commencé à ne plus sortir à certaines heures, dans certaines rues, à sourire quand un inconnu nous interpellait, à baisser les yeux, à ne pas répondre, à presser le pas quand nous rentrions chez nous. Nous avons veillé à fermer à clé nos portes, à tirer nos rideaux, à ne plus bouger, à ne plus répondre au téléphone. Et comme Bella, nous avons dépensé beaucoup d'énergie à croire que notre perception de cette situation n'était pas digne de faire sens, qu'elle n'avait pas de valeur, de réalité, à dissimuler nos intuitions et émotions, à simuler que rien de révoltant ne se passait ou au contraire, que ce n'est peut-être pas acceptable d'être épié, harcelé ou menacé, mais que c'est nous qui étions de mauvaise humeur, qui étions devenues intolérantes, paranoïaques, ou alors qu'on avait la poisse, que ce genre de truc n'arrivait qu'à nous. Précisément, l'expérience de Bella est une somme de bribes d'expériences communément partagées, mais aussi la description minutieuse de toutes ces tactiques prosaïques de tout ce travail phénoménal, perceptif, affectif, cognitif, gnoséologique, herméneutique, que nous effectuons chaque jour pour vivre normalement, qu'il relève du déni, du scepticisme, et rend indigne tout ce qui relève de soi. Or, cette normalité renvoie de fait à un critère de l'acceptable, et donc aussi à un critère de l'inacceptable, du révoltant, un critère défini par la perspective imposée par cet homme à la fenêtre. C'est d'après son échelle de l'acceptable et du crédible, d'après son monde à lui, que nous jugeons qu'il est normal de subir ce qu'il fait, puisque c'est lui qui juge normal d'agir comme il le fait. Voilà, youpi. Bon, il y a des mots un peu compliqués dans Elsa Dorlin, mais quand même, c'est bien. Il y a ce moment où... Ou alors, des fois, il y a plusieurs moments où on ouvre les yeux et on devient féministe. Franchement, pour ma part, j'estime que c'était pour le mieux hein, de capter le pourquoi de mes espèces de mal-être d'ambiance, de m'expliquer des trucs omniprésents, de mettre des mots dessus, de savoir. Mais ouais, alors ça m'a quand même transformée en boule de rage extrêmement jugeante pendant un certain temps. Il y a eu un petit pic, enfin un gros pic de... Alors par exemple, tu regardes n'importe quel film, série, machin, et forcément, c'est vraiment de la grosse merde. Et tu t'énerves de façon disproportionnée parce que non, mais là, les meufs, elles sont montrées comme des grosses teubées, et puis elles sont passives face aux mecs. Et là, ce qui fait, c'est qu'ils stalkent l'héroïne, et il n'y a que moi qui m'en aperçois dans ce monde. Et ah, ben voilà, c'est montré comme tout va bien, et elle s'énerve presque pas, en plus, elle ressort avec. Et vraiment, c'est tout pourri et anti-féministe. C'est militant anti-féministe et je veux voir des trucs où les meufs vraiment ça se passe bien avec leurs mecs et leurs meufs et que les gens ils sont parfaits et que je veux voir des trucs qui se passent autrement et des fictions où les choses elles sont cool. Bon, des années après, la même série hein, dont je parlais à demi-mot là, la série c'est Girls pour celles qui connaîtraient, elle me fait pas la même chose. Elle me fait un espèce d'effet doux, amer, de refléter des situations relationnelles qui sont maintenant derrière moi, qui me font donc bien moins réagir. Je la trouve tristement réaliste. Hein. Et je me sens pleine d'amour et puis de compréhension pour ces personnages qui font des choix discutables, partiellement orientés par le patriarcat. Le recul me rend appréciable le réalisme, les glissements montrés, l'évolution lente des personnages. J'ai toujours envie de voir des fictions qui montreraient un monde guéri du patriarcat. Hein. Mais les situations réalistes, la puissance descriptive, elle me touche au lieu de m'énerver. L'indulgence envers soi, elle se répercute sur les personnages que je pouvais trouver insupportables et quiches. La rage, elle s'évanouit pas. Souvent, on a l'occasion de la ressentir. Mais elle se canalise peut-être un petit peu ailleurs, un petit peu différemment, sur des cibles plus pertinentes que soi-même. Au moins par moment. Le statut de victime, hein, il équivaut pas à de l'impuissance. Vivre des trucs pourris, ça veut pas dire qu'on peut rien y changer. Le rejet fort du statut de victime, il vient peut-être aussi de cette confusion fréquente. La victime versus l'agentivité, la capacité d'agir pour soi, la puissance, le pouvoir au sens premier du terme. Cette opposition qui voudrait que se reconnaître comme victime, c'est reconnaître son impuissance, n'est pas si évidente, elle représente un glissement. On n'est pas obligé de s'identifier comme victime, d'essentialiser le truc, d'en faire son identité. Et le fait de comprendre est au contraire un prérequis pour avancer et pour lutter. Voilà, bon, sur ce, moi j'ai envie d'un petit peu de détente pour finir cette émission, puisque c'était tellement léger, oh là là, oui. Donc je vous propose une micro-boom de fin. Et puis je vous invite à danser, à gigoter pour évacuer les ondes négatives de toutes ces paroles négatives. Allez, attirons les vibrations positives de Yogiti de mes fesses. Videz-vous l'esprit et laissez l'univers vous remplir. Déchique-moi les bretelles, prends-moi pour ton popolochon. Remplis-moi la sacoche, je suis popoposéidon. Je la kiffe en intégrale, la salopette à marinette. Je l'aime artisanale, la salopette à Colette. Elle change de couleur quand je la caresse. Et voilà, c'était des litres de salive. Ah, on a écouté Kalika et Yel avec les glaçons. Et ça, c'est Salopette de Théo Lavabo.